Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 37. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 21 mai 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es chasseur d'autographes, tu es Palme d'Or, tu es paparazzi sur le tapis rouge, tu es Gilles Jacob, tu es starlet en string et tu es aussi... Au lieu du tourisme balnéaire international, Cannes brille surtout pour son festival annuel du cinéma où les plus notables représentants de la servilité journalistique ordinaire côtoient les plus éminentes incompétences artistiques internationales. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu te balades sur la croisette, tu es Festival de Cannes. Alors, comment pourrait-on l'ignorer? Et oui, comme chaque année et comme chacun sait, la 59e édition du Festival de Cannes a été inaugurée mercredi dernier. Ainsi, à l'heure où la grande quinzaine du luxe, de la débauche et accessoirement du cinéma vient d'ouvrir ses portes sur la Côte d'Azur, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'aller zoner, sans accréditation du temps doute, entre les palaces, la police et le palais du festival. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du Festival de Cannes. Pour commencer, de ses origines politiques au grand barnum médiatique, il faut te retracer l'histoire de cette quinzaine cannoise. Ensuite, il faudra essayer de dresser une typologie des personnages fantasques que tu peux croiser durant ce fabuleux festival. On enchaînera justement sur une interview exclusive de la cinéaste Agnès Varda, qui fut membre du jury l'an passé et qui viendra nous parler de cette expérience si particulière. Et puis, dans le royaume des potins, nous te dévoilerons les secrets de cette relation à trois qui se joue sur la croisette depuis quelques jours entre Monica Bellucci, Vincent Cassel et Wong Kar-wai. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude sont eux aussi descendus à Cannes pour vivre leur premier festival. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sois torride aux marches du palais. Night Fever, la fièvre de la nuit, par les Bee Gees en 1978, parce que à Cannes, pendant le festival, la fièvre, c'est la nuit et le jour. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au Festival International du Film, dont la 59e édition s'est ouverte mercredi dernier à Cannes. Le Festival de Cannes, c'est un des signes avant-coureurs de l'été et c'est aussi, jusqu'au 28 mai prochain, le centre du cinéma mondial. Et oui, Cannes, pendant 15 jours... C'est la java du ciné, du cinéma. Du haut en bas, tous les spectateurs fredonnent cet air-là. La distance se balance en cadence. Chaque pointure de chaussure vous balance dur. Une petite femme vous dit, mon chéri, prends-moi dans tes bras. Vous dites, madame, vous me prenez pour ce que je ne suis pas. En musique, elle réplique, fais ce que tu voudras. C'est la java du cinéma. Le Festival de Cannes est né, bien sûr, de l'amour du cinéma. Mais c'est en réalité la politique qui explique la création de cet événement mondial. Le Festival de Cannes trouve ses origines en Italie, plus précisément dans la lagune de Venise en 1938. Le contexte international est alors très tendu. Cette année-là, à Munich, Hitler s'apprête à imposer aux démocraties l'annexion des Sudètes prises à la Tchécoslovaquie. La Mostra de Venise, le grand festival de cinéma de l'entre-deux-guerres, subit alors plus que jamais l'influence fasciste du Duce. Le palmarès de la Mostra en 1938 couronne d'ailleurs un film présenté par le propre fils de Mussolini et le prix du meilleur film étranger revient au dieu du stade réalisé par Leni Riefenstahl, adulé par le Führer lui-même, c'est tout dire. Face à cette confiscation de la Mostra par les fascistes, Jean Zay, ministre français de l'instruction publique et des beaux-arts, décide alors de créer un contre-festival de cinéma à Cannes en 1939. Hélas, le déclenchement de la guerre fait échouer le projet. Jean Zay se porte volontaire pour partir au front. Mais après la défaite de 1940, il est emprisonné. En juin 1944, les miliciens le sortent de prison et l'abattent. Le corps de Jean Zay, jeté dans un puits, n'est retrouvé qu'en 1946, c'est-à-dire l'année même où son projet de festival se réalise enfin. Aujourd'hui, 20 septembre 1946, 2 ans après la libération, a lieu l'inauguration officielle du festival qui durera du 20 septembre au 5 octobre. La croisette est pavoisée des couleurs des 20 nations qui participent au festival et illuminée au moyen de puissants projecteurs sur toute sa longueur. Au port, les bateaux ont aussi pavoisé et la ville est remplie d'animation, de cette sorte de vie intérieure presque indéfinissable mais qui fait dire aux gens du pays à qui l'on demande s'il y a du monde, ça bouge depuis quelques jours, ici ça bouge. Et oui, à partir de 1946, à Cannes, ça bouge pour le cinéma. Dans les années 50, le festival, c'est plutôt un événement mondain. Cannes est alors plus un lieu de rencontre que de compétition. Mais avec la création, en 1959, du marché international du film, les choses évoluent. Le festival de Cannes devient une date importante dans le calendrier des industriels du film. Alors, quand en mai 68, la société de consommation est contestée, le festival en est bien sûr très perturbé. Depuis hier matin, le palais du festival est transformé en salle de meeting. Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Louis Malle, Truffaut, Enrico, Lelouch, Albicoco et bien d'autres occupèrent la grande salle de projection pour délibérer. Délibération assez houleuse puisque aucun de nos cinéastes de génie ne se trouvait d'accord. Claude Lelouch paraissait le plus calme, Jean-Luc Godard, à son habitude, traitait tout le monde d'imbécile. Mais on apprenait peu à peu que Monica Vitti, Roman Polanski, Louis Malle et Terence Young donnaient leur démission du jury. Les seuls professionnels du cinéma, en somme, quittaient le jury et M. Chanson, président, déclarait donc ne plus pouvoir assumer ses fonctions. Les événements de mai 68 interrompent le festival de Cannes. Cette année-là, aucune palme n'a été décernée. Pourtant, dès 1969, le festival retrouve son statut de première place dans le commerce du cinéma international. Mais une nouvelle période de la vie du festival commence en 1978. Gilles Jacob devient alors délégué général. Gilles Jacob, le toujours président du festival, a profondément marqué Cannes avec, entre autres, la construction en 1983 du Palais des Festivals. Et il n'en est pas peu fier, Gilles. Mon palais, ce n'est pas un palais comme les autres. Sans colonnes de marbre, sans glace de Venise. Mon palais, quatre planches, une estrade et la foule assemblée. Alors, dans son palais, Gilles Jacob propose au jury du festival des films d'auteur, des œuvres rares qui ne passent nulle part ailleurs. En effet, à Cannes, on peut voir par exemple un film ouzbek sur la solitude des pêcheurs de morue, ou encore un film slovaque sur la détresse d'une veuve après son divorce. Et oui, les membres du jury à Cannes, ils ont souvent des surprises en découvrant la sélection officielle. Bande-annonce. Après Rocky IV... et Rambo 3, le nouveau Stallone. Jésus 2, le retour. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ. Et toi? Da. Judas. Stallone, dans son premier rôle sensible. Émouvant. Simon. Oui. Tu l'as vu ce matin au marché? Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Sylvester Stallone. Bientôt Jésus 3. Cannes se veut donc un festival de films d'auteur pour le plus grand nombre. Mais le festival de Cannes, c'est aussi, et peut-être surtout, un lieu de débat autour du cinéma. Et parfois, la Palme d'Or ne fait pas l'unanimité sous le soleil de Cannes, comme en mai 1987. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sous le soleil de Satan, le film de Maurice Pialat, n'a pas fait l'unanimité hier soir à Cannes dans la salle des festivals. L'annonce de la Palme d'Or a été accueillie par des hurlements et des sifflets. Et pourtant, cela faisait 21 ans depuis Lelouch, un homme et une femme, que la France n'avait pas reçu cette plus haute distinction du Festival de Cannes. Le microcosme du cinéma a réagi violemment, ce qui d'ailleurs n'a pas désarmé le lauréat Pialat, qui a lancé à la foule « Vous ne m'aimez pas, mais moi je ne vous aime pas non plus », cela dit, le poing levé. Pialat plus provocateur que jamais hier soir. C'est presque étrange qu'on ait la palme pour un tas de raisons, mais la première étant qu'on a présenté ce film avec une grande maladresse. Il y avait là une sorte de recuidance, de pédanterie qui ne m'est pas entièrement naturel. J'ai dit, ça fait 20 ans que j'en ai pris plein la gueule, c'est pas normal, surtout qu'en plus c'est faux, parce que j'ai toujours eu une bonne critique. Eh oui, Cannes, c'est sans conteste une bonne quinzaine pour la critique qui regarde la compétition officielle avec un certain regard, cherchant entre deux fêtes la caméra d'or. Car pendant le festival de Cannes, le spectacle n'est pas que dans les salles obscures, il est aussi dans les villas, dans les halls d'hôtels et bien sûr sur la croisette où tout sur est possible. Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Élodie Boucher, tu sais que tout peut arriver. À la buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal coiffé. Depuis longtemps, Biden est en bikini avec toi. d'azur, c'est que jamais rien ne dure. Un sosie de Juliette Gréco hante cette année le Negresco. C'est un jeune dandy décadent. Dans la démesure, as-tu trouvé l'amour? Au bras d'Isabelle Adjani, tu toises la foule et tu souris. Quelle belle démarche! Tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. 15 jours à Cannes, tout est possible. Cannes et son festival, c'est ce que chante Barbara Carlotti sur un album intitulé « L'hélice brisée ». Parce que durant le festival, si ton yacht a son hélice brisée, ne t'affole pas, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, le seul intérêt, c'est de rester à quai. Alors, pour continuer nos allers-retours sur cette fichue croisette, après avoir survolé l'histoire du festival de Cannes, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser aux personnages fantasques que tu peux croiser durant cette quinzaine cannoise. Oui, qui sont les festivaliers ? En réalité, le Festival de Cannes, c'est une manifestation pseudo-culturelle exclusivement réservée aux professionnels et à quelques centaines de nantis. Ainsi, venir sur la croisette, c'est se confronter, pour de vrai, à la violence d'une hiérarchie sociale. Et oui, d'une part, il y a ceux qui ont le privilège de profiter pleinement du festival, et d'autre part, il y a tous les autres qui rêvent d'y entrer un jour. Du coup, il existe deux sortes de festivaliers. En premier lieu, il y a celui qu'on appelle l'accrédité, autrement dit, celui qui possède un joli badge. Avec ce sésame, il peut voir les films, être invité au dîner luxueux, et surtout, il dort dans les hôtels du centre de Cannes. Et puis, il y a le touriste. Lui, il dort au camping, en périphérie cannoise. Et surtout, il engouffre chaque jour son salaire dans une tranche de melon servie avec du serrano. Résultat, ces deux festivaliers, certes, se côtoient, mais ils ne se fréquentent jamais. Enfin, pas tout à fait. Chaque jour, en fin d'après-midi, les uns montent les célèbres marches et se donnent en spectacle aux autres qui écoutent scrupuleusement la speakerine pour savoir quelle star se trouve devant eux. Sous-préfète, accompagnée de son mari et de Michael, son petit dernier. Oui, qui est déjà grand. Derrière eux, Bruno, de Bruno Chemise, un commerçant cannois bien sympathique. Ah, et là-bas, regardez derrière eux, une vedette. Ah oui? Je ne sais pas qui c'est. Oui, non, je l'ai vu dans un film, effectivement, à la télé, je crois. Non, Carole, on fait signe. En fait, il s'agit de notre premier ministre. Ah, c'est ça, je savais que je l'avais vu à la télé. Je me disais que son visage ne m'était pas inconnu. Non. Dominique de Villepin aurait-il perdu de sa superbe ces derniers mois à tel point qu'on ne le reconnaîtrait même plus sur les marches du palais cannois? J'ai du mal à y croire. Il s'agissait sans doute d'un autre Premier ministre. Toujours est-il qu'il est vrai que certains hommes politiques s'affichent volontiers à Cannes sur le tapis rouge aux côtés des stars. Par exemple, c'est ce que fit François Mitterrand en mai 1956 aux côtés de Brigitte Bardot. C'est aussi ce qu'aurait pu faire président Chirac, alors maire de Paris, en mai 1991. À Cannes, hier soir, les 10 000 fans de tous âges ont dû attendre la dernière séance pour voir arriver leur idole, Madonna, en chair et en os, tout en cheveux bruns, en cape rose et en sourire. Cela n'a pas provoqué l'émeute redoutée. Jean-Marc Four, vous avez veillé tard pour voir Madonna monter l'escalier du festival. Est-ce que ça valait le coup ? 23h15, hier soir, palais des festivals, la tension monte. Soudain, des flashs crépitent, les têtes se retournent. Ah non, fausse alerte, c'est Marthe Villalonga qui gravit le grand escalier. 23h20, cette fois, ça y est, c'est la bonne. Mesdames et messieurs, le festival accueille Madonna. Brune, les cheveux bouclés, Louise Chicone est apparue enveloppée dans une grande cape rose qu'elle a délicatement ôtée une fois arrivée en haut des marches pour mieux révéler une robe de soirée toute blanche et très moulante signée Jean-Paul Gaultier. Le festival tenait sa star. Eh oui, le Festival de Cannes, c'est avant tout le royaume des stars en tout genre. Pendant 10 jours, les célébrités du monde entier se pointent au rendez-vous du glamour. C'est l'effet Cannes. Alors, spécialement pour toi, la panique au Mangin Palace a fait descendre sur place son envoyé spécial, le roublard Émile Fouchetard, qui traque les stars. Émile est en duplex et en direct avec nous ce matin. Normalement, il se trouve dans les couloirs du palais du festival. Alors Émile, est-ce que vous voyez des stars ? Oui, Philippe, j'en vois des stars. Il y en a même deux en ce moment qui se livrent devant moi à des rapports très, très tendres. Imaginez la première dans une robe flamboyante qui lui moule la gorge et qui se laisse décoter dans le cou par son partenaire. Mais enfin, Émile, vous êtes où ? Je suis au troisième, là, dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis dans les chiottes. Oh là, ça résonne trop, là, non ? Ouais, ça résonne vachement, en fait. Ouais, ouais. Attends, non, je sors des chiottes. Je vais plutôt aller dans le couloir. Bah oui. Rassurez-moi, Émile, vous êtes bien à Cannes cette fois-ci. Oui, oui, oui. Enfin, au large de Cannes, quoi. Sur un yacht de milliardaires en pleine touze, quoi. Mais non, Philippe, je suis sur l'une des îles de Lérins, à quelques encablures de Cannes. Et pour passer le temps, je regarde les bergeurs honnêtes dans leur parade amoureuse. Mais enfin, Émile, vous croyez qu'on vous envoie à Cannes pour mater des piafs en rut ? Mais comprenez-moi, Philippe, je n'ai pas d'accréditation du festival. Et ici, à Cannes, sans base, on ne rentre nulle part. C'est bon, Émile, prenez le premier train et rentrez sur Paris. Ouais, d'accord. Je préfère le prendre même à Antibes, car sans base, je suis même pas sûr de rentrer dans la gare. C'était Émile Fouchetard pour la panique au Mangin Palace. J'ai plein le cul, moi. Bon, restez poli, Émile. Décidément, ce festival de Cannes sans accréditation, c'est réellement un univers impitoyable. Cela dit, il n'y a pas que les stars qui descendent au festival de Cannes pour en profiter pleinement. Il y a aussi toutes les professions qui tournent autour du cinéma, à savoir les producteurs, les distributeurs, les journalistes, et puis, bien sûr, il y a aussi... Je me présente. Je suis l'attaché de presse, Odile Duret. Vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein ? Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et oui, être attaché de presse durant le Festival de Cannes, c'est là aussi un métier difficile. Pour finir, il y a une dernière catégorie de festivaliers, ceux qu'on pourrait appeler les gros parasites. Ils n'ont strictement rien à faire à Cannes, mais ils sont blindés de thunes, alors ils viennent parader et se laisser convaincre qu'ils sont également de véritables stars. L'exemple type, c'est sans doute Paris Hilton, une jeune idiote milliardaire qui vient nous pomper l'air. Cela dit, il faut être indulgent avec Paris Hilton, car sa vie à Cannes, ce n'est pas si facile. Et voilà, madame la Ah, un mauvais départ. Je le refais. Ce n'est et pas voilà, si... madame la Elle va partir. Bon, alors on enchaîne. Alors, nous voici arrivés à mi-chemin de notre balade sur la croisette. Nous sommes donc en face du Noga Hilton, l'hôtel de l'autre idiote. Et pour compléter notre regard sur le Festival de Cannes, nous avons joint cette semaine au téléphone une cinéaste qui fut membre du jury l'an passé, à savoir Agnès Varda. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé comment devient-on membre du jury à Cannes. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau. À Cannes, hier soir, les 10 000 fans de tous âges ont dû attendre la dernière séance pour voir... Alors, on a un souci visiblement avec la machine. Ouais, on va écouter un petit peu de musique parce qu'on a un souci avec la machine. Allez, on enchaîne sur la musique. Anthony Hamilton. Ain't nobody worrying when the shots fly high and the sirens start to ring. Ain't nobody worrying when the kids die young and the mothers are suffering. Ain't nobody praying when they kneel down low, all they're doing is tying their shoestrings. Ain't nobody worrying no more, no more, no more, no more. The homeless have nowhere to turn when their stomachs start to burn, cause they ain't got food to eat. How the children gonna learn when they gotta take turns, cause they ain't got books to read. Then our babies turn to crime, started getting high, cause the job train's kinda slow. Cause ain't nobody worrying no more, no more, no more, no more, no more. When the tears start to fall, nobody worrying, as a mother on the phone, trying to feed the drought. Tell me when will this end? All the suffering, my faith is running low. Ain't nobody worrying no more, no more, no more, no more, no more. Ain't nobody worrying no more, no more, no more, no more, no more. When the tears start falling, you can't see your way, and the just material come on judgment day. Don't have no more, no more, just gonna win. Ain't nobody worrying. Oh, oh, Lord. Ain't nobody worrying when the shots fly. When the kids die young and the mothers are suffering, ain't nobody worrying. The black man's doing time and nobody cares for him. Nobody cares. The government's on the grind and trying to censor me. Our babies are getting high. While drugs in the school, they need we prayer. Need to pray they again. Oh, oh, oh. When will it end? Will it end? Will it end? Will it end? Cause ain't nobody worrying. Bon, nous revoilà. Ain't Nobody Worrying chante Anthony Hamilton sur son nouvel album, et c'est vrai que personne ne doit s'inquiéter parce qu'après le Festival de Cannes, il y a Roland Garros en juin et surtout la Coupe du Monde de football. Si avec tout ça, les Français n'oublient pas l'affaire Clearstream, c'est vraiment le pompon, enfin la palme quoi. Alors, pour poursuivre notre balade sur la croisette, en plein Festival de Cannes, la panique, toujours en direct du Mangin Palace, a décidé de te dévoiler les coulisses de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu mercredi dernier. Pour toi, la panique s'est faite paparazzi. Mercredi soir, le président du jury, le cinéaste chinois Wong Kar-wai, remarqué à Cannes en 2000 pour son film In the Mood for Love, se tenait en haut des marches du palais du festival. À ses côtés se trouvait Patrice Lecomte, également cinéaste et membre du jury. Tous deux en smoking, ils regardaient la foule venue voir les stars. Wong Kar-wai remarqua alors la sublime Monica Bellucci en pleine séance photo au pied des marches. Au marche du palais, au marche du palais, y a une tant belle fille, y a une tant belle fille. Wong Kar-wai, avec ses lunettes de soleil, il ressemble un peu à Jaruzelski, l'ancien premier ministre polonais dans les années 80. Alors évidemment, pour emballer Monica, ça va être coton. Surtout que Vincent Cassel, le mari de Monica Bellucci, est lui aussi à Cannes. Il est le maître des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival. Une fois le jury au complet, tout le monde s'est donc installé dans la salle du Palais des Festivals pour assister à la projection du film Da Vinci Code, ce joli film à la mode. De la mode, quel est son nom de code? Victime de la mode, quel est son nom de code? Eh oui, le jury fut sidéré devant la médiocrité du film. Le Da Vinci Code est à la théologie ce que Bernard-Henri Lévy est à Tocqueville. Autrement dit, rien. Wong Kar-wai, n'en pouvant plus de devoir regarder ce produit mal digéré par Hollywood, décida de sortir en loose day de la salle. Mais c'était sans compter sur la surveillance des attachés de presse de la production américaine qui repérèrent très rapidement le départ du président du jury. Le Chinois est en train de s'enfuir, patron. Capturez-le, mais ne le tuez pas. Attrapez-le. C'est clair, c'est dur d'échapper à la promotion et au matraquage du mauvais Da Vinci Code. Wong Kar-wai retourna donc s'asseoir avec les autres membres du jury et regarda le film jusqu'au bout. Tout compte fait, il ne fut pas mécontent, Monsieur Wong, d'avoir vu le Da Vinci Code. Cette médiocre histoire de code secret, de mensonge, de coup bas, ça lui a permis de mieux comprendre l'affaire Clearstream. Pendant le générique de fin, Wong Kar-wai scruta alors autour de lui. La lumière revient déjà. J'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Après la projection, Wong Kar-wai décida de réunir tous les membres du jury pour leur expliquer sa conception de la compétition canoise. Tous écoutèrent les conseils du président Kar-wai. On va leur montrer ce qu'est la boxe chinoise. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Tous les membres du jury furent un peu surpris de la manière dont le président Wong Kar-wai a décidé de faire le palmarès. Mais aucun n'a osé contester, ayant trop peur de prendre une manchette. Tous ont préféré regagner leur hôtel. Monica Bellucci espérait y retrouver Vincent Cassel, son mari. Mais sa déception fut grande. La chambre était vide, Vincent n'était pas encore rentré. Pour l'attendre, Monica, parce que c'est une star, prit un bain moussant en buvant une coupe de champagne. Tard dans la nuit, enfin, Vincent rentra. Invité par des potes à tu te fais, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai. Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la vie qui en a marre de te voir en état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec des lascars. Tu es la seule qui maille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Puisque c'est comme ça, bye bye. Folle de colère, Monica enfila un peignoir blanc et sortit de la suite. Elle irait dormir ailleurs. Mais hélas, en plein festival, toutes les chambres sont occupées et malgré son dévouement, le concierge de l'hôtel ne trouva aucune chambre pour Monica. La belle actrice italienne était dépitée quand, tout à coup, elle aperçut le président du jury dans le hall de l'hôtel. Wong Kar-wai avança alors vers elle. Tout troublé et maladroit, il lui dit qu'elle est très belle, pieds nus, cheveux mouillés, dans ce peignoir trop grand. Mais Monica, elle, n'est pas de cet avis. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis, je crois. Monica Bellucci expliqua alors à Wong Kar-wai qu'elle venait de se fâcher avec son mari Vincent Cassel et qu'elle avait quitté sa chambre sans savoir où aller. Wong Kar-wai invita alors Monica dans sa chambre car il lui dit que... J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. Monica Bellucci se sentit très gênée par cette déclaration sulfureuse de Monsieur Wong. Elle déclina l'invitation et décida de remonter dans sa suite retrouver Vincent, qui n'est pas si bad boy que ça. Quand elle arriva, Vincent, lui, il avait déjà vidé le minibar. C'est alors que Monica raconta à Vincent Cassel, son mari, donc l'étrange proposition que Wong Kar-wai venait de lui faire. Quand il entendit ça, Vincent voulut lui casser la gueule à Monsieur Wong. Monica l'en dissuada. Elle sait que Vincent a de la peine, mais la violence, ça ne sert à rien. Thank you. la nuit, Vincent Cassel s'est tout de même rendu jusqu'à la chambre de Wong Kar-wai pour mettre fin à cette histoire. Se souvenant des conseils de non-violence de Monica, Vincent a décidé de ne pas le frapper. Alors, comme il a une formation de danseur, ben Vincent lui a posé une question à Monsieur Wong. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses, au revoir. Tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses, au revoir. La carioca, interprétée librement en 1994 par Gérard Darmon et Alain Chabat sur la bande originale du film La Cité de la Peur. Parce que à Cannes, durant le festival, avec tous ses gros vigiles et ses jolis policiers, il arrive en effet que la ville ressemble parfois à une cité de la peur. Alors, pour continuer à porter un certain regard sur ce monde extraterrestre qu'est le Festival de Cannes, il est grand temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux palmes d'or, les plagistes Monique et Jean-Claude. Voilà maintenant plusieurs années que Monique rêve d'aller au Festival de Cannes pour découvrir enfin ce monde merveilleux du strass et des paillettes. Durant l'hiver, Monique a donc réussi à convaincre Jean-Claude de faire quelques économies pour se payer quelques jours au soleil sur la Croisette durant le festival. C'est ainsi que mardi dernier, à la veille de leur départ, Monique et Jean-Claude étaient, comment dire, euphoriques. On va à Cannes, on va à Cannes, dans la mer, on va pas danger. On va à Cannes, on va à Cannes, et sur le sable on ira, c'est chouette. Mercredi dernier, donc, après quelques heures de train, Monique et Jean-Claude sont arrivés à la gare de Cannes à 14h28 et sont allés directement s'installer au joli camping de Cannes-la-Bocca. Après avoir siroté un soda au bord de la piscine, il était temps déjà de prendre la route pour le palais du festival et de se placer derrière les barrières pour assister à la première montée des marches. Bien entendu, il y a foule et Jean-Claude se retrouve écrasé contre la balustrade. C'est alors qu'un vigile patibulaire lui demande de reculer. Mais il ne peut pas, il est coincé. Très rapidement, le ton monte, le vigile bouscule Jean-Claude et lui dit qu'ici, on n'est pas chez Mémé, on est à Cannes. Excédé par cet abruti, Jean-Claude lui répond que... C'est ainsi que Jean-Claude, dès le premier soir, se retrouve expulsé manu militari et surtout séparé de Monique, resté au pied des marches. Jean-Claude se retrouve derrière la foule, du coup il ne voit plus rien de la montée des marches. Un peu paumé, Jean-Claude décide alors d'aller se balader sur la Croisette. Presque arrivé tout au bout, Jean-Claude parvient par miracle à s'introduire dans le hall de l'hôtel Martinez. Il est ébahi par toute cette richesse et ce luxe. C'est alors que Jean-Claude aperçoit Michel Denisot, le présentateur télé-plagiste qui, visiblement, a quelques soucis avec la réservation de sa chambre d'hôtel. Je croyais que vous ne pouviez pas venir. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Votre agent, la semaine dernière. Enfin, on a un agent plein de folie, là. Je vous assure que votre agent nous a dit que vous n'étiez pas libre. Bon, alors maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je dors sur la plage? L'hôtel est complet, je suppose. Oui, enfin, M. Depardieu est parti 3 jours looter des imprimeurs en Bulgarie, mais il a laissé toutes ses affaires ici. C'est réglé, vous me donnez sa suite. C'est un petit peu délicat. Hein. Je vois pas pourquoi, je vais pas me gêner avec Gérard, quand même. Si M. Jacob... Allez-y, je vois pas d'autre solution. Bon, Michel, on se voit plus tard. On se voit plus tard. Voilà, voilà. Vous ferez changer les draps, quand même. Hein. Avec Depardieu, je préfère. Jean-Claude se dit alors que dans ce milieu merveilleux qu'est le Festival de Cannes, même si on change les draps, on se serre les coudes. Après ces quelques minutes dans le hall de l'hôtel Martinez, Jean-Claude décide alors de retourner vers le palais du festival. À mi-chemin, il tombe sur Monique, qui est intenable, car elle dit à Jean-Claude que sur les marches, elle a vu... Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Lee Ullman, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda. Monique est d'autant plus euphorique qu'elle a rencontré un jeune producteur qui les a invités tous les deux ce soir à une énorme fête dans une sublime villa cannoise sur les hauteurs. Après avoir dîné, Monique et Jean-Claude montent donc dans une navette pour se rendre à cette soirée cannoise. Cette villa sur les hauteurs semble en effet sublime. Il y a des rayons laser, la musique est à plein tube, mais il y a également beaucoup de monde devant l'entrée. Normalement, selon ce jeune producteur qui les a invités, le nom de Jean-Claude JC, sous le pseudo de Jules César, sera sur la liste à l'entrée. Mais visiblement, il y a un problème sur cette liste. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner votre nom s'il vous plaît? C'est quoi? Là, c'est une soirée privée, j'ai besoin de votre nom, j'ai une liste. Je suis Jules César. Jules César. Non, excusez-moi, ça ne va pas être possible. Non, non, non. Non, attendez, il doit y avoir un problème parce qu'en fait... Excusez-moi, tenez-vous à l'écart, s'il vous plaît. C'est un baba poule. Alors, par contre, c'est chaud ce soir? Vous êtes seul, c'est chaud bouillant, vous êtes seul? Je suis 2, 4, 6, 8... Rentrez. Bonsoir, bon, il doit y avoir un problème sur la liste, je dois être sur la liste normalement. Écoutez, monsieur, ça s'écrit comment, vous, César? Ça s'écrit C-E-S-A-R, Caesar, Jules. Non, j'ai un 7 à Paris, c'est un Seine-Saint-Denis. Vous pouvez vérifier alors à Jules? Avec un J? U-L-E-S. Oui, effectivement. Jules César, vous pouvez rentrer, vous êtes à la table de la reine. Bah oui. Donc, heureusement, après ces quelques petits tracas, Monique et Jean-Claude se retrouvent finalement au cœur de cette fête cannoise hallucinante. Il y a là une piscine entièrement remplie de champagne, il y a là des cracheurs de feu, il y a là des gens plus beaux les uns que les autres. Monique, elle, constate également que les consommations d'alcool sont gratuites pour tout le monde. Le bar est ouvert. D'ailleurs, elle en profite. C'est mon premier verre de champagne. Ça me pipote dans le nez. Une douce ambiance me gagne et j'en suis tout émoussillée. Du champagne. De son côté, Jean-Claude, lui, est abasourdi par toutes ces créatures féminines presque nues, lascives, qui se promènent par cette nuit de printemps cannois dans le parc de cette sublime villa. D'ailleurs, en observant les formes avantageuses de ces créatures, Jean-Claude se dit intérieurement qu'en effet... Plongé dans ses réflexions érotiques au cœur de cette fête cannoise, Jean-Claude voit alors arriver devant lui un jeune couple sublime dont il fait la connaissance. Lui, c'est un producteur de cinéma. Associé à son frère, ils viennent d'Ardennes. Elle, jeune actrice, se prénomme Daniela. Et visiblement, ce producteur tente de proposer un truc à Jean-Claude. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Elle est toujours d'accord pour battre des records. La la la la la la la la la. Oh là là, c'est chaud bouillant. Jean-Claude commence à avoir la trouille, il ne pourra pas résister très longtemps. Aussi, il préfère prendre congé et continuer sa balade au cœur de cette fête cannoise. Quand tout à coup, il se retrouve devant la console du DJ abandonnée par le maître de cérémonie pour aller soulager sa vessie. En un instant, Jean-Claude n'hésite pas, il se précipite sur la console, il en a toujours rêvé. Et je remets le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Jean-Claude s'amuse comme un fou jusqu'à ce que le maître de cérémonie revienne et propose alors de donner à cette fête cannoise au cœur de la nuit une toute autre allure. Amenez les jartelles, les barésies, les sexy dentelles, les talons aiguilles. Je veux du cuir, pas du pipe chaud du vécu, je veux des gros seins, des gros culs. Je veux du cuir, ça décharge les sous-écules, ça décharge les sous-écules. C'est à ce moment-là que Monique remet la main sur Jean-Claude. Pour elle, c'en est trop. C'est la désillusion la plus totale. Entre la cocaïne et le stupre, le Festival de Cannes n'est en réalité qu'un lieu de perdition. Dès demain, ils quitteront le camping de la Boca. Fin de l'histoire. Monique propose alors à Jean-Claude de poursuivre leur week-end un peu plus loin sur la côte, un peu plus au calme.